أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Hier, nous avons étudié l'explication de l'auteur concernant la deuxième base, le deuxième fondement, la connaissance de l'islam avec les preuves. Nous avons cité les piliers de la définition de l'islam, les piliers de l'islam, les piliers de la foi, avec les preuves. Puis nous avons détaillé l'iman billah, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, qui comprend quatre points. Qu'est-ce qui nous rappelle ces points? C'est la première chose. L'iman bi wujudillah, le fait d'avoir foi en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Thaniyan, l'iman bi rububiyyatillah subhanahu wa ta'ala, le fait de croire en la seigneurie d'Allah tabaraka wa ta'ala, son unicité dans celle-ci. Thalithan, la divinité, na'am, ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibadah, l'iman bi uluhiyyatillah ta'ala. Wa rabi'an, quatrièmement, indaman, qui apparaît pour tout. Après cela, nous avons cité al-rukn thani, iman bi malaikati Allah tabaraka wa ta'ala. والملائكة جمع ملك وأصل هذه الكلمة بمعنى الإرسال Et on a cité plusieurs points concernant la foi aux anges. Lesquels? Premièrement, avant ça, en leur existence. Ensuite, aux noms qui nous ont été cités dans les textes. Ensuite, les descriptions qui nous ont été citées dans les textes. Ce dont nous n'avons pas eu connaissance, que ce soit le nom ou bien les actions, on y croit d'une foi générale. Et nous sommes arrêtés ici. Donc leur nom, leur description, leurs actions, leur existence. Parmi les choses les plus profitables pour le serviteur, il y a le fait de connaître les choses à tirer de cette foi. يعني ماذا تستفيد وما هي ثمرة الإيمان بالله عز وجل ثم الإيمان بالملائكة. طيب, quels sont les fruits qu'avons-nous à tirer comme effet bénéfique de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala? Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala nous dit تحقيق التوحيد, en ayant foi en Allah tabaraka wa ta'ala, tu vas pouvoir concrétiser son unicité. Et cette chose, c'est pour cela que nous avons été créés. Donc avec la foi en Allah Azza wa Jal, qui est la base de tous ces piliers, tu vas concrétiser l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu ne rattacheras ton cœur à personne d'autre que lui. Tu n'espéreras qu'en lui. Tu n'auras peur que de lui. Aussi, kamal mahabbatillahi tabaraka wa ta'ala, tu vas aimer Allah subhanahu wa ta'ala d'un amour complet. Ta'zimu, tu vas l'immensifier. Et tout cela avec sa connaissance. Et la foi en lui, en ses noms, en ses attributs. Taïb. Tufriduhu bil ibada aydan. Tu vas l'adorer d'un culte sincère. Tu vas l'unifier de par tes actes d'adoration. Tu vas lui obéir. Tu vas te rapprocher de lui en faisant ce qu'il t'a ordonné. Tu vas t'éloigner de sa désobéissance. Et c'est pour cela que tu as été créé. Le fait de croire aux anges t'orientera et sera pour toi un signe de la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala, sa puissance, son pouvoir. العلم بعظمة الله تبارك وتعالى وقوته فإن عظمة المخلوق طيب إن عظمة المخلوق دليل على عظمة الخالق طيب من عظمة الخالق en ayant foi aux anges, cela te fera ou bien te donnera comme science la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala, la toute-puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car les anges sont des créatures très fortes, immenses. Et la grandeur et la force de la créature n'est que le reflet, hein, de la grandeur du Créateur. N'est que le reflet de la grandeur du Créateur subhanahu wa ta'ala. Aussi, shukrullahi ta'ala, tu vas être reconnaissant vers Allah tabaraka wa ta'ala, car tu auras su qu'Allah a créé des créatures qui sont les anges, et ces anges te font du bien. Ils t'aident, ils te défendent, ils te protègent, ils préservent tes actions, ils notent tes bonnes actions. Donc tout cela va te pousser à être reconnaissant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas aimer les anges. Pourquoi? لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Car ils ne désobéissent jamais à Allah et ils font tout ce qu'il ماذا leur ordonne. طيب. Ils font du'a pour toi. Ils font du'a pour toi. Donc, on aime les anges car ce sont des serviteurs d'Allah سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ركن الثالث الإيمان بالكتب. Le fait de croire aux livres, c'est-à-dire les livres qu'Allah Azza wa Jal a révélés sur ses prophètes et Mada, ses messagers, pour que miséricorde pour leur peuple et pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tant que miséricorde pour les mondes, pour guider ces gens-là, pour leur apprendre qui est Allah Azza wa Jal afin qu'ils puissent l'adorer d'un culte sincère, pour les orienter, leur démontrer le bien du mal, pour que personne ne puisse avoir d'excuses. Yawm al-Qiyam. Naam. Et un des grands buts de la révélation, c'est qu'on puisse être guidé et vivre dans le bonheur, et cela dans le bas-monde, dans ce bas-monde et dans l'au-delà. Et celui qui se détourne de ses livres, en l'occurrence maintenant du Qur'an, ne trouvera pas le bonheur qu'il recherche, wallahu musta'an. Wal iman bil kutub yatadamman arba'ata umur. La foi aux anges comprend al iman bil kutub, la foi aux livres comprend quatre points. Awwalan al iman bi anna nuzulaha min 'indillahi haqqan. Premièrement, le fait d'avoir comme foi et d'avoir la conviction que la révélation de ces livres est de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui a révélé ces livres et pas un autre que lui subhanahu. Thaniyan, al-iman bima alimna ismahu minhu ou minha ash al-iman bima alimna ismahu tayyib. Donc nous devons avoir foi, deuxièmement, au nom dont nous avons eu connaissance. Au nom dont nous avons eu connaissance. Comme quoi? Hein? Al-Qur'an, Al-Azim. Quoi d'autre? Parmi les livres qu'Allah a révélés, il y a quoi, Adam? Al-Tawrah. Quoi encore? Al-Injil. نعم الزبور ah, ce qu'Allah Azza wa Jalla a révélé là, Daoud, quoi encore? Suhufi, Ibrahim, alayhi salam, wa Moussa. Wa hakada, yani dès que nous avons connaissance d'un nom, on a l'obligation d'avoir foi en ce nom. Et ce dont nous n'avons pas eu connaissance, on y croit d'une manière générale. On sait qu'Allah Azza wa Jalla a révélé un livre sur les messagers. طيب ثالثا تصديق ما صح من اخبارها. Troisièmement, nous devons reconnaître véridique, nous devons reconnaître comme étant véridique les informations qui sont authentiques. Les informations qui nous restent des livres passés qui sont authentiques et avoir foi au Coran. Les informations du Coran. طيب car les livres qui ont été révélés avant le Coran, ont été falsifiés. Contrairement au Coran, qui lui, a été préservé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne peut le falsifier. طيب. Rabi'an, al-amal bi ahkam ma lam yunsakh minha, wa al-ridha wa al-taslim bihi. Quatrièmement, mettre en pratique les règles qui s'y trouvent, mettre en pratique les règles religieuses qui s'y trouvent n'ayant pas été abrogées. D'accord? Ce qu'on t'ordonne dans le Coran, tu dois le mettre en pratique. Ce qu'on t'interdit dans le Coran, tu dois t'en éloigner. Tu dois agréer le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, t'y soumettre. Quand bien même, tu n'aurais pas connaissance ou tu n'aurais pas compris la sagesse de cet ordre ou de cet interdit. Anta abdun lillah. Wadhifatuka an tastaslima li amri. Tu es un serviteur d'Allah Azza wa Jalla. Anta muslim. Tu es musulman. Et ton rôle est de te soumettre devant les ordres de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et sache que le Coran a abrogé tous les livres passés. قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. Dans sourate Al-Ma'ida, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que le Coran, qui est donc le dernier livre révélé, est celui qui ماذا qui devra être appliqué. Donc nous n'avons pas le droit de prendre un autre livre que le Coran et de l'appliquer. Voyez, nous ne lisons pas dans les autres livres. Livres des gens d'autres religions. Mais on lit le Coran, l'Azim. Et dans le Coran, il y a tout ce dont nous avons besoin. Et une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Omar avec des feuillets dans ses mains. Et c'était des feuillets de livres passés. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas du tout apprécié cela. Il l'a réprimandé. Afin de lui faire montrer qu'il ne fallait pas regarder dans les autres livres, mais que le Coran nous suffisait. Car le Coran englobe tout le bien, non seulement ce qu'il y avait dans les livres passés, طيب et plus que cela. نعم. Et la foi au livre, il y a de nombreux bénéfices. Parmi cela, العلم بعناية الله تعالى بعباد. Ça te montrera combien Allah Azza wa Jal prend soin de ses serviteurs. Il ne les a pas laissés ainsi, mais il leur a envoyé des messagers, et sur eux a révélé sa parole, ses livres, subhanahu wa ta'ala, afin qu'on puisse être guidé. Deuxièmement, العلم بحكمة الله تعالى في شرعه, حيث شرع لكل قوم ما يناسب أحواله. Aussi, la foi au livre te montre de la sagesse d'Allah tabaraka wa ta'ala, du fait qu'il a légiféré à chaque communauté ce qui lui convenait et ce dans quoi il y avait leur bien. Kama qala ta'ala likulli ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Tayyib. Le pilier suivant, wa rusuli, la foi au messager. المراد هنا من أوحي إليه من البشر بشرع وأمر بتبليغه. ابن عثيمين رحمه الله تعالى نجي messager ici, ce qui est voulu, c'est celui qui a reçu la révélation parmi les hommes, a reçu la révélation d'une législation, on lui a ordonné de transmettre cela. Rasoul, le messager, min bani Adam, c'est quelqu'un de la descendance de Adam. Il n'y a pas de messager parmi yani les djinns et les autres yani les espèces messagers aux gens de la terre. Là, mais ils sont de bani Adam. Hum zuko, ce sont des hommes, il n'y a pas de femme messager à la sahih. Madha ahra, ils sont libres, il n'y a pas d'esclaves. Et ils sont choisis parmi les meilleurs. Ce sont les meilleurs des meilleurs de leur peuple. On leur donne la révélation et ils se rendent à un peuple qui les contredit dans les bases de la religion. Et cela est une des plus grandes différences entre Ar-Rasoul et Al-Nabi. Cela est une des plus grandes différences entre Ar-Rasoul et Al-Nabi, entre le messager et le prophète. Cette question revient souvent. Quelle est la différence entre un prophète et un messager? Nombreuses sont les paroles des savants et la plupart sont discutables. Néanmoins, cette parole est assez forte. C'est de dire que la différence est que le prophète vient à un peuple qui est d'accord avec lui dans les bases de la religion. Il vient un peu à l'image d'un revivificateur. Comme Banu Israël, ils ont reçu beaucoup de prophètes. D'accord? Mais il y avait la même base. Alors que Rasoul, le messager, vient à un qawm qui n'est pas d'accord avec lui, qui le combatte. Tayyib. Wallahu a'lam. Et le premier messager aux gens de la terre est Nuh alayhi salam. Et le dernier Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme on le verra plus loin. Qala Allah ta'ala inna ouhayna ilayka kama ouhayna ila Nuh wa nabiyyina min ba'd. Et chaque messager, ou bien chaque peuple a reçu un avertisseur. قال الله ولقد بعثنا في كل أمة رسول. Nous avons envoyé dans chaque communauté un message. أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Pour leur dire, n'adorez qu'Allah, éloignez-vous de ce qui adorait en dehors de lui. Surat An-Nahl, l'abeille, verset 36. وقال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. Surat Fatir, verset 24, il n'y a pas une communauté sans que ne soit passé un avertisseur. Et sachez que les messagers sont des hommes parmi les hommes. Ils n'ont pas de caractéristiques propres à la seigneurie. Ils n'ont pas le pouvoir de créer, de donner la vie ou de donner la mort. Voyez ? Ils n'ont pas de particularité propre à Allah tabaraka wa ta'ala, mais ils sont comme nous, des êtres humains. Ils tombent malades, ils décèdent, ils mangent, boivent et ainsi de suite. Allah azza wa jalla a même ordonné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de dire cela au grand jour, afin qu'il ne soit pas adoré en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, contrairement à ce qu'ont fait les chrétiens avec Isa alayhi salam, qui pourtant lui aussi avait informé son peuple de son caractère humain. قال الله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. Dans sourate Al-A'raf, le verset 188, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, dit, je ne possède pour moi aucun bien ni mal, excepté ce que veut Allah. Et si je connaissais les choses de l'invisible, j'aurais pu amasser beaucoup de biens et le mal ne m'aurait pas touché. Je ne suis qu'un avertisseur, un annonciateur de bonnes nouvelles pour un peuple qui croit. فَهُوَ عَبْدٌ لَا يُعْبَدُ وَرَسُولٌ لَا يُكَذَّبُ. Voici le juste milieu. Ce sont des serviteurs, on ne les adore pas. Mais ce sont des messagers, on ne les dément pas. Taïm. Et Allah Azza wa Jal nous cite la parole d'Ibrahim alayhi salam. وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ. Dans Sourate Al-Shu'ara, les poètes verset 69. 70 et 71, ou bien plutôt 79, jusqu'au verset 81. Celui qui me nourrit et me donne à boire, et lorsque je tombe malade, c'est lui qui me guérit. Celui qui me fera mourir, puis me ressuscitera. Voici les paroles d'un des meilleurs prophètes et messagers, Ibrahim alayhi salam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ça a été cité dans le recueil d'Imam Bukhari, Imam Muslim, nous dit: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا فإذا نسيت فذكروني. Je ne suis qu'un homme comme vous, j'oublie comme vous oubliez. Donc s'il m'arrive d'oublier, rappelez-moi. Rappelez-moi la chose. Et Allah tabaraka wa ta'ala a cité ces hommes comme étant des serviteurs. Et d'être un serviteur d'Allah n'est nullement une faiblesse, un reproche, un manquement, mais c'est la plus haute station que la créature puisse atteindre. Et celui qui médite le Coran verra qu'Allah tabaraka wa ta'ala fit les éloges de son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses meilleurs endroits avec le mot abd, avec le mot abd, serviteur. Par exemple, سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. Pour l'Isra, on a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam abd. Dans la révélation, abd. في مقام الدعوة abd. Et cela dans plusieurs versets. Et c'est comme ça qu'ont été cités les prophètes. وَذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ. Et la foi au messager comprend quatre choses. Premièrement, al-imanu bi anna risalatahum haqqun min 'indillah. Man kafara bi risalatin wahida faqad kafar. Tu dois avoir comme croyance que leur message provient d'Allah. Chaque messager qui est venu de la part d'Allah. C'est un envoyé d'Allah tabaraka wa ta'ala. Celui qui dément le message de l'un d'entre eux ou la prophétie de l'un d'entre eux aura démenti l'ensemble et ainsi il aura mécru. C'est pour cela qu'Allah dit en Coran: كذبت قوم نوح المرسلين. Le peuple de Nuh ont mécru aux messagers, au pluriel. Alors que Nuh est le premier messager. Pourquoi cela? Car celui qui dément un messager aura démenti l'ensemble. Car ils viennent tous de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, ceux qui n'ont pas reconnu Isa min Bani Israël, hum kuffar. Car ils ont reconnu Moussa alayhi salam, mais ils n'ont pas reconnu Mada, Isa alayhi salam. Et ceux qui ont reconnu Isa alayhi salam, Moussa alayhi salam, mais n'ont pas reconnu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, كذلك. Walhamdulillah, alladhi waffaqa al-muslimin ila tasdiqi jami' al-anbiya'i wal-rusul. Et loué soit celui qui a accordé la réussite aux musulmans qui ont reconnu la prophétie de l'ensemble des envoyés. Nous, nous reconnaissons l'ensemble des messagers des prophètes du premier au dernier. Et Isa alayhi salam, le prophète des chrétiens, est cité plus de fois dans le Coran que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cela est une des plus grandes preuves que le Coran est la parole d'Allah. Cela est une des plus grandes preuves que le Coran est la parole d'Allah Azza wa Jal. Il n'a pas été fait par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est un point très important. On reconnaît l'ensemble des messagers des prophètes. Celui qui renie un seul prophète, un seul messager, laysa bi muslim. Deuxièmement, al-iman bima alimna min asma'ihim. Deuxièmement, on doit avoir foi aux noms qui nous sont parvenus dans les textes. Aux noms qui nous sont parvenus dans les textes comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahim, Moussa, Isa, Nuh alayhi salam. Ces cinq messagers sont surnommés ul azmi min ar-rusul. Les prophètes ou bien les messagers doués de fermeté, ce sont les meilleurs prophètes et messagers. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puis Ibrahim alayhi salam, puis Moussa alayhi salam, puis Isa alayhi salam et Nuh. Il y a une divergence dans l'ordre entre Nuh et Isa alayhi salam. Ils ont été cités ensemble dans deux versets, dans Sourate Al-Ahzab et dans Sourate Ash-Shura. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ. الآيات في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Dans ces deux versets, on a cité ces cinq prophètes et messagers. Sont donc les meilleurs, les messagers doués de la plus grande fermeté dans leur mission. Et ce dont nous n'avons pas eu connaissance, on y croit d'une foi générale. On sait qu'Allah Azza wa Jalla a envoyé des messagers, des prophètes, on y croit d'une foi générale. Allah nous dit: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. Allah nous dit: nous avons envoyé des messagers avant toi. Concernant certains, nous t'avons conté leur histoire, et concernant d'autres, nous ne t'avons pas conté leur histoire. Donc on a eu là, ou bien les détails de l'histoire de certains prophètes et messagers, ainsi que leur nom, et d'autres, qui sont la majeure partie, nous n'avons pas eu connaissance de ceux. الثالث تصديق ما صح عنهم من أخبارهم. Tu dois croire aux informations authentiques qui nous sont parvenus des prophètes et messagers. Quatrièmement, العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم المرسل إلى جميع الناس. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Quatrièmement, le fait de mettre en pratique la législation de celui qui nous a été envoyé. Et c'est le dernier et le sceau des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit dans le Coran: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour les mondes. Il nous dit également: mais non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants tant qu'ils ne t'auront pas pris comme juge dans toutes leurs affaires. Puis, ils ne trouveront aucune gêne de ce que tu auras décidé, et tant qu'ils ne seront pas soumis pleinement à ta décision. Nous avons l'ordre de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de revenir à lui, de juger selon sa législation, Voyez, ça c'est un point très important. Et c'est l'épreuve. Lorsque tu diverges avec quelqu'un, comment est-ce que tu vas savoir qui a raison, qui a tort? Et après avoir su que tu as tort et que c'est l'autre qui a raison, est-ce que tu vas le suivre? Est-ce que tu vas délaisser tout orgueil et t'humilier pour le suivi de la sunna et la mise en pratique de la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou tu camperas sur tes positions, car tu trouveras trop humiliant de délaisser ta parole et de suivre la vérité, celle qui est en conformité avec les textes. Ici, il y a l'épreuve. Et ici, on reconnaît celui qui est ferme dans la religion d'Allah Azza wa Jal des autres. Et parmi les fruits de cette foi, la foi au messager, العلم برحمة الله تعالى وعناية بعباده. Le fait d'avoir connaissance de la douceur d'Allah Azza wa Jalla envers ses serviteurs et le fait qu'il prenne soin de nous. Le fait d'avoir connaissance de sa miséricorde, du fait qu'il ne nous a pas laissé en vain ici, mais il a choisi l'élite de ses créatures pour les envoyer à leur peuple. Et ça, c'est une grande miséricorde de la part d'Allah Tabaraka wa Ta'ala envers nous, afin qu'on puisse emprunter le chemin droit. Car avec notre raison, avec notre science, notre propre intelligence, nous n'avons pas la capacité de savoir ce qu'Allah aime de ce qu'il n'aime pas. Quel est le chemin pour atteindre son agrément puis rentrer au paradis? Mais avec l'intermédiaire des prophètes qu'Allah nous a envoyés, on a pu savoir cela. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Deuxièmement, shukruhu ta'ala ala hadhi ni'matil kubra. Le fait de se montrer reconnaissant vers Allah Azza wa Jal pour ce grand bienfait. Le fait de nous avoir envoyé des messagers, des prophètes. Ça, c'est le plus grand bienfait d'Allah Azza wa Jal. Voyez, le fait de nous avoir envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour nous montrer qui est Allah, quelle est sa religion, comment l'adorer, que faire pour entrer au paradis, que faire pour se sauver de l'enfer. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, hamdan kathiran tayyiban barakan fi. ثالثا محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام. Le fait d'aimer les prophètes et les messagers. Car ce sont les créatures les plus complètes, les plus parfaites, ayant le mieux concrétisé l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des créatures qui ont enduré afin que la religion d'Allah nous soit transmise. Ce sont des créatures qui ont enduré par pitié envers leur peuple pour pouvoir leur enseigner le chemin qui mène à l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le pilier suivant, le fait d'avoir foi au jour dernier. Le jour dernier, c'est le jour de la résurrection. Le jour où les gens seront ressuscités, rassemblés, afin d'être jugés et recevoir leur rétribution. Et on l'a appelé le jour dernier, car il n'y aura pas d'autre jour après celui-ci. Du fait que les gens du paradis prendront leur place au paradis. Ja'anallahu wa iyyakum minha ula. Et les gens de l'enfer prendront leur place en enfer. A'adhanallahu wa iyyakum min hadha. Et ce nom a de nombreuses appellations. Ce nom, il y a de nombreuses appellations. Et cela nous montre la grandeur de ce jour, car chacun de ces noms nous indique une de ses caractéristiques. Yawm al-Tarab, al-Qiyam, Tayyib. Tout ça, il nous montre la gravité de ce jour, la grandeur de ce jour. Allahu musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billah. والإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور. La foi au jour dernier englobe trois points. Comprend trois points. أولا الإيمان بالبعث. Le fait d'avoir foi en la résurrection. En la résurrection. وهو إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية. فيقوم الناس لرب العالمين حفاة غراة غرلا وبهما. Donc Allah Azza wa Jal va ressusciter les morts après que Israfil ait soufflé dans la trompe. Ibn Uthaymin nous dit ici une deuxième fois. Alors les gens se tiendront debout devant le Seigneur des mondes. Ils seront nus, non circoncis, pieds nus et sans rien, excepté leurs actions. والله المستعان. قال الله كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين. الله nous dit tout comme nous avons fait la première création, nous la recommençons. Et la résurrection des créatures, fait de les ressusciter, c'est une chose qui a été affirmée non seulement dans le Coran, mais dans l'ensemble des voies avant l'islam. Il n'y a pas de divergence sur cela. Et c'est un des plus grands points qu'ont rejeté Kuffar Quraysh. C'est pour cela que ce point a longuement été détaillé dans le Coran, particulièrement dans les versets Mekwa. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعث. Allah nous dit vous serez ensuite, ou bien après cela, vous mourrez. Puis, le jour de la résurrection, vous serez ressuscité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme dans le recueil de l'imam Bukhari et l'imam Muslim, يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةُ حُفَاتًا غُرْلَا. Les gens seront ressuscités le jour dernier. Taïb. Ça, c'est un point capital, qui a la plus grande importance. Deuxièmement, l'iman bil jaza, le fait d'avoir foi en la rétribution. Ceux qui ont fait le bien recevront leur récompense, ceux qui ont fait le mal recevront ce qu'Allah Azza wa Jalla aura voulu. Allah dit dans le Coran, inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisaba. C'est vers nous que se fera votre retour, puis c'est nous qui vous rétribuerons. Allah nous dit également man jaa bil hasanati falahu 'ashru amthaliha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Celui qui vient avec une bonne action aura 10 fois son équivalent, celui qui vient avec un péché on ne le rétribuera que par son équivalent. Ils ne seront point opprimés. Non. Tout le monde sera jugé. Les hommes, les femmes. Les gouverneurs, les gouvernés. Et personne ne pourra s'échapper ce jour. Chacun sera questionné. Et chacun trouvera ce qu'il a avancé. Car dans ce bas monde, aujourd'hui, tu agis et tu ne vois pas la rétribution. Et demain, tu verras la rétribution, mais tu ne pourras plus agir. Tu ne pourras plus agir. Et dans ça, il y a une grande exhortation pour celui qui a un cœur et qui tend l'oreille. Allah musta'an. Sallallahu alayhi wa sallam al-qulub al-qasida. Allah réforme les cœurs qui ont trouvé de la dureté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre qu'Allah azza wa jal sera juste envers les kuffars et il sera miséricordieux envers les croyants. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أو رضي الله عنهما نعم عند البخاري ومسلم إن الله يجزي المؤمن فيضع عليه كنفه واستر. Donc le jour dernier, Allah Azza wa Jal rapprochera son serviteur croyant, Ahlul Tawhid, et il le couvrira. فَيَقُولَ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا فَيَقُولَ نَعَمْ أَيَّ رَبْ. Reconnais-tu telle faute? Reconnais-tu tel péché? Et le serviteur dira, certes, ô mon Seigneur. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى أنه قد هلك قال donc on lui citera tellement, on lui passera en revue ses péchés au point où il se verra anéanti. Il pensera être anéanti, perdu. Mais Allah dira قد سرترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. Allah, Arrahamur Rahimin, lui dira, je te les ai cachés dans ce bas monde, et aujourd'hui je te les efface. Aujourd'hui je te les pardonne. On lui donnera donc son livre de bonnes actions. Amma, wa amma al-kafir, wa amma al-kuffar wa al-munafiqun, fayunada bihim ala ru'us al-khala'iq. هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. Concernant les mécréants et les hypocrites, ces gens-là seront appelés devant l'ensemble des créatures. Et on dira, voici ceux qui ont menti sur leur Seigneur, que la malédiction d'Allah soit sur les injustes. Le troisième point, al-iman bil jannati wan nar, le fait d'avoir foi au paradis et à l'enfer. C'est la demeure éternelle, ou ce sont les deux demeures dans lesquelles les gens auront à rester au final éternel. Le paradis est la demeure de la félicité, du bonheur, du délice, qui a été préparé pour les gens pieux, pour les gens sincères, pour les gens qui ont unifié Allah d'un culte sincère et ont dit « La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ». Puis, on agit selon ce qui découle de cette parole et n'ont pas commis ce qui annule cette parole. La deuxième demeure est l'enfer, qui a été préparé pour les mécréants. Et ceux qui ont des actions qui leur ressemblent pourront y entrer un temps déterminé afin de se purifier de leurs péchés pour finir ensuite au paradis. Et au final, tous les croyants, tous les musulmans seront au paradis et tous les mécréants seront en enfer. Tous ceux qui ont unifié Allah d'un culte sincère et suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam seront paradis. Et les autres seront en enfer. Voici les trois points principaux de la foi au jour dernier. Mais sachez également avec cela qu'entre dans la foi au jour dernier tout ce qui se passe à partir du moment où la personne meurt jusqu'à ce que les gens du paradis entrent au paradis et les gens de l'enfer entrent. Comme a dit Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, la foi au jour dernier concerne tout ce qui se passe après la mort de la personne, comme l'épreuve dans la tombe. La question: من ربك ما دينك ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم. Et lorsqu'on étudie ce livre, vous devez avoir présent à l'esprit ces questions. Al-usul al-thalatha, ça fait référence à quoi? Trois questions qui seront posées dans la tombe, qu'on appelle fitnat al-qabr. On doit avoir foi au châtiment de la tombe et au délice de la tombe. Et tout ce qui a été cité dans les hadiths. La foi au jour dernier apporte aux serviteurs les meilleures provisions pour l'au-delà. Il y a de nombreux bénéfices à citer cela, à étudier cela, à concrétiser la foi aujourd'hui. أولاً الرغبة في فعل الطاعة والحرص عليها رجاء لثواب ذلك اليوم. Premièrement, le désir et la motivation quant à l'accomplissement des bonnes actions. Le serviteur est enclin à la bonne action, à l'obéissance d'Allah Azza wa Jalla, car il a toujours présent à l'esprit qu'il est fi dunya dans ce bas monde pour un temps déterminé. Et qu'il s'en faut de peu pour qu'il le quitte. Et qu'il passe de l'autre côté. Il sait que demain il se tiendra debout devant le Seigneur des mondes. Donc, il espère trouver la récompense. Il sait que tout ce qu'il fait est noté. Et que tout ce qui est noté sera présenté au Al-Qiyam. Subhanallah. En sachant qu'une bonne action, tu vas la trouver au Al-Qiyam. Ala yushaddi'uka hadha ala fi'li ta'at. Celui qui sait qu'un sourire dans le visage de son frère, dans le visage de ses parents, un sourire, tu le trouves yawm al-qiyamah hasan. Peut-être qu'avec un sourire, t'as trop de djinn. Subhanallah. Une aumône. Aujourd'hui, tu fais une aumône, peut-être que tu ne donnes pas d'importance. Hein? Peut-être que certaines personnes en regardant cette aumône se disent, il aurait mieux fait de garder cela. La wallah. فَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيَّرْ يَرَى Allah dans le Coran, celui qui fait le poids d'une petite fourmi noire de bien, le verra. Il le verra où? Il le verra يَوْمَ الْقِيَامَ. Subhanallah, ça pèse sur la balance. Ça affecte dans le jugement. Ça a une place dans tes hasanats. الْكَلِمَةُ طَيِّبَ صَدَقَ La bonne parole, ça affecte. Le bon comportement, c'est lourd sur la balance yawm al-qiyam. Et il n'y a pas plus lourd que le tawhid. Et il n'y a pas plus lourd que la ilaha illallah. Il n'y a pas plus lourd que le nom d'Allah azza wa jal. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il y a une grande motivation dans cela pour les bonnes actions. Une grande motivation pour faire le bien. Rappelez-vous, qu'Allah Azza wa Jal voit tout, entend tout, c'est à chaque coup, il est reconnaissant, vous faites peu, il vous donne beaucoup. Allah subhanahu wa ta'ala est bon, il est généreux, tu fais peu et il décuple ton action. Tu as l'intention de faire une bonne action, tu ne la fais pas, on t'inscrit une bonne action complète. Puis si tu la mets en pratique, on t'inscrit une bonne action et on te la multiplie par 10, jusqu'à 700 fois, jusqu'à te décupler cela. Voici la générosité d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ça doit nous pousser à faire le bien. Ça doit nous pousser à faire le bien. Les livres que vous avez dans les mains, entre les mains. On a pu acheter cela grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, puis au don de bienfaisants parmi les frères et les femmes. Ce livre-là, n'est pas coûteux. Ça, bien qu'il renferme un grand trésor, la connaissance d'Allah, la connaissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la connaissance des disciples. Et avec cela, on apprend notre religion. Avec cela, on parle d'Allah durant des heures, sans jamais se lasser, bihamdillahi azza wa jal. À un moment ou d'autre, sont dans les péchés, dans l'égarement, ou dans des assises de l'innovation, Allahu musta'an. Ces gens-là qui ont avancé cet argent, 1 euro, 2 euros, 50 euros, 100 euros, on espère et on demande à Allah Azza wa Jal de leur permettre de trouver cette récompense yawm al-qiyamah décuplée. Wa huwa akramul akramin. Thaniyan ar-rahbatu 'inda fi'l al-ma'siyah wal-ridha biha khawfan min 'iqab dhalika. Deuxièmement, la peur et la grande crainte de faire le péché, le fait de s'éloigner de la désobéissance d'Allah Azza wa Jal, de fuir devant la désobéissance d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Car tu as peur de voir ce péché yawm al-qiyam, le jour dernier. Tu as peur de trouver cette action. Car tu sais que les mauvaises actions sont écrites et qu'elles seront présentées yawm al-qiyam si Allah Azza wa Jalla ne les efface pas. Donc la personne médite et réfléchit avant de s'avancer dans une chose qui lui vaudrait la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsque tu penses à faire un péché, rappelle-toi de ce jour-là et pose-toi cette question. Est-ce que j'ai une réponse pour avoir fait cela chez Allah Azza wa Jal demain? Est-ce qu'Allah Azza wa Jal est satisfait de cela? C'est une grande question qu'il te faut te poser, car demain tu auras à répondre aux des questions. Et au Al-Qiyam, on va t'interroger, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Ô serviteur, tu as fait telle chose, telle chose, telle chose. On t'avait interdit telle chose, mais tu l'as fait. Subhanallah, ne sais-tu pas que tu vas être questionné, ressuscité, tenu debout devant Allah le Seigneur des mondes, celui qui voyait tout, qui entendait tout, Al-Shahid Al-Raqib, celui qui est témoin, qui te surveille. Fala ilaha illallah. Qui est-ce qui sera sauvé ce jour-là? Allah nous a comblé de bienfaits indénombrables. وَنَحْنُ قَائِمُونَ عَلَى مَعْصِيَةٍ فِي الْيَوْمِ وَالْلَيْلِ. Et nous, de jour comme de nuit, on lui désobéit. Subhanallah. C'est pour ça que certains parmi les plus prédécesseurs ont dit, si ce que j'ai connu, c'est-à-dire les anciens, vous avez vu, auraient pensé que vous n'avez pas foi au jour dernier. Subhanallah. Si ceux qu'on a connus vous auraient vu, ils auraient pensé que vous n'avez pas foi au jour dernier. Ça, c'est les paroles d'hommes comme Al-Hassan Al-Basri et d'autres. Donc, ils parlent aux tabi'oun, atba'a tabi'in. Que dire alors s'ils avaient vu notre époque? Que dire alors s'ils avaient vu les meilleurs de notre époque? Wa lastu minhum, wallahu musta'an. Wa astaghfirullah wa atubu ilayh. الثالثة التسلية نعم تسلية المؤمن عما يفوت من الدنيا بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها. Un point très subtil que Muhammad ibn Salih ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala cité ici. Il nous dit, il y a une consolation pour le croyant dans tout ce qu'il n'a pas réussi à voir dans ce bas-monde. Subhanallah. Regardez l'intelligence des savants. Il y a une consolation pour le croyant pour tout ce qu'il n'a pas réussi à avoir dans ce bas monde, du fait qu'il espère mieux dans l'au-delà. Car il sait qu'il y a le jour dernier, il sait que la finalité c'est le paradis, bi-idhnillah wa rahmati tabaraka wa ta'ala. Donc la personne, lorsqu'elle a un problème, ou lorsqu'elle fait des causes pour obtenir un bien, puis elle n'arrive pas à atteindre son but. Ihris ala ma yanfa'uk wa sta'in billah wa la ta'jaz. Donc il a fait les causes, il s'est aidé d'Allah Azza wa Jal, et qu'il isti'ana, demande d'aide. Au final, il n'obtient pas cette chose. Cette chose ne lui a pas été décrite. Quel comportement doit-il avoir? Qadar Allah wa ma sha'afa. Allah a décrété cela, il fait ce qu'il. Tu es tranquille. On te donne la chose, tu remercies Allah. On ne te donne pas la chose, tu dis Alhamdulillah ala kulli hal. Tu endures, tu patientes, car tu sais que ce bas monde, hein, c'est un lieu de passage. À l'image d'un couloir, à l'image d'un arbre sous lequel tu t'es mis à l'ombre pour faire une sieste, puis tu t'es relevé, tu es parti. Comme nous a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Donc, dans ce bas monde, si tu as eu telle chose, alhamdulillah, si tu ne l'as pas eu, wallahi, que tu n'as rien perdu. Tu n'as rien perdu. Yawm al-qiyam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit plutôt qu'on va amener, na'am, la personne qui a eu le plus grand plaisir et les plus grandes jouissances dans ce bas monde. D'accord? On va le prendre et le mettre un instant dans l'enfer et l'en ressortir immédiatement. Puis on lui dira au serviteur, est-ce que tu as déjà été heureux dans ce bas monde? Il dira jamais au mon Seigneur. Ça, c'est la personne qui a goûté à tous les plaisirs. Il a tout fait sans se soucier des limites d'Allah Azza wa Jalla. Ben, cette personne, en un court instant, va oublier tous les plaisirs de ce monde. Subhanallah. Est-ce que ça vaut donc, yani, est-ce que ça vaut le coup de transgresser pour avoir ses plaisirs? Ou bien de se révolter car nous n'avons pas réussi à obtenir telle chose là? Voyez, ce bas monde n'est qu'un lieu de passage. La personne qui est éprouvée dans la santé, la personne qui est éprouvée par des enfants ingrats, la personne qui est éprouvée par des parents loin d'Allah, la personne qui est éprouvée par le fait d'être aveugle, ou le fait de ne pas pouvoir avoir des enfants, et toutes les épreuves. Qu'elle se rappelle de ce jour. Qu'elle se rappelle que ce bas monde ne durera pas. Kullu man alayha fan. Kullu man alayha fan. Kullu shay'in halikun illa wajha. Allah Azza wa Jalla nous dit tout est voué à disparaître. Tout est voué à disparaître. Excepté son visage. Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilayna turja'un. Tout âme goûtera à la mort. Puis c'est vers nous que se fera votre retour. Donc ces quelques paroles, on espère qu'Allah Azza wa Jal mettra du bien, afin qu'on en tire profit et qu'on se rappelle de la valeur de dunya et surtout de la valeur de l'au-delà. Et celui qui se rappelle souvent de la mort verra les effets dans ses actions. Naam. Puis, le dernier pilier des piliers de la foi, l'iman, bil qadar, khayrihi wa shar'i, wa sharri. Donc, le sixième pilier de la foi au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Ma ma'ana khayrihi wa sharri, ay kulluhu min Allah. Que signifie qu'il soit bon ou mauvais, c'est-à-dire avoir quoi comme conviction que l'ensemble vient d'Allah. Tout ce qui a été décrit, que ce soit un bien ou un mal, quand on dit un mal, c'est-à-dire ce qui ne convient pas au fils d'Adam, il n'aime pas être malade, il n'aime pas la pauvreté, la maladie, et ainsi de suite. Et tout a été décrété par Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-imanu, yani, ou awalan al-qadar, اولا القدر طيب تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق في علمه تقدير الله للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضت حكمته le destin c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné pour l'ensemble des créatures, na'am, et cela conformément à sa science parfaite et en accord avec sa sagesse complète. Subhanahu wa ta'ala. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, طيب, الإيمان بالقدر يتضمن ويتحقق بأربعة أمور. La foi au destin se concrétise avec quatre points. On prend quatre points. الأول الإيمان بأن الله تعالى عالم كل شيء. Premièrement, le fait de savoir qu'Allah Azza wa Jal a la science parfaite, donc il a donc tout su. Allah subhanahu wa ta'ala sait tout. Il connaît le passé, il connaît le futur, il connaît le présent, même les choses impossibles. Il sait comment cela se serait réalisé. Si cela avait été, il connaît tout, subhanahu wa ta'ala, les choses en général, les choses en détail, ce qui le concerne lui, ta'ala, subhanahu, ce qui concerne ses créatures, il connaît tout. Deuxièmement, الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ. Deuxièmement, le fait de croire à l'écriture. Dans les tablettes préservées. Voyez, Allah subhanahu wa ta'ala a créé la plume. Il lui a dit écrit. Elle a dit qu'est-ce que j'écris? Il lui a décrit tout ce qui sera jusqu'au jour de la résurrection. Comme dans le hadith, et dans un autre hadith, كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. والحديث عبد الله بن عمر بن العاص dans le recueil d'Imam Muslim, il nous dit, j'ai entendu le prophète, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, Allah a écrit le destin de toutes choses avant de créer les cieux et la terre, 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala a décrété ce qui sera pour toutes les créatures, et cela 50 000 ans avant la création des cieux et la terre. Allah subhanahu wa ta'ala a réuni ces deux premiers points dans sa parole. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi as-samaa'i wal ard inna dhalika fi kitab inna dhalika 'ala Allah yasir. Et dans d'autres versets, dans sourate Al-Hajj, Allah nous dit, ne sais-tu pas qu'Allah sait ce qu'il y a dans les cieux et la terre? Tout cela est dans un livre, et certes cela est pour Allah facile. Donc, la première étape, c'est la science. Le fait d'avoir comme conviction ferme qu'Allah sait tout. Il sait tout, donc tout a été écrit. Tout a été inscrit. Jusqu'à Yom Al-Qiyam. Troisièmement, Al-Mashi'a, la volonté d'Allah. Ce que veut Allah se réalise. Ce qu'il ne veut pas ne se réalise pas. Donc, Allah a tout su. Tout écrit. Et lorsqu'il veut que cela se réalise par sa volonté. طيب. اذا الايمان بان جميع الكائنات لا تكون الا بمشيئه الله تعالى. Donc tout ce qui se réalise comme bonne chose et comme mauvaise chose ne se réalise qu'après la volonté d'Allah Azza. Ce qu'il veut se réalise, ce qu'il ne veut pas ne peut se réaliser. قال الله ويفعل الله ما يشاء. Allah fait ce qu'il veut. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالم. Vous ne pouvez vouloir sans qu'Allah ne le veuille. Allah, le Seigneur des mondes. Le quatrième point, Al-Khalq. Al-Iman bi anna jami' al-ka'inat makhlouqatun lillahi ta'ala. Voyez. Le quatrième point, c'est la création. Le fait de savoir que tous, ماذا, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé nous et nos actions. Nous et nos actions. Personne avec leurs caractéristiques, mais aussi nos actions. Allahu khaliqu kulli shay. Allah est le créateur de toutes choses. Allah est le créateur de toutes choses. Wa huwa ala kulli shay'in wakil. Et il est garant de toutes choses. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُ. Allah dit dans le Coran, Allah est celui qui vous a créé vous, ainsi que ce que vous faites. Donc voici les quatre points. Premièrement, la science. Deuxièmement, l'écriture. Troisièmement, la volonté. Quatrièmement, la création. Est-ce que c'est clair? Et Cela n'empêche pas le serviteur d'avoir une volonté. Nous sommes tous conscients de cette volonté. Lorsque tu parles volontairement. Lorsque tu marches de ton plein gré. Tu décides de faire la chose, tu décides de ne pas la faire. Si ce n'est que tout ce que tu fais, tu ne le fais qu'après qu'Allah ne l'ait vu. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Allah dit dans le Coran, فَمَنْ شَاءَ اِتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبَ وَقَالْ فَأْتُ حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُ وَقَالْ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَقَالْ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ. Dans de nombreux versets, Allah Azza wa Jal affirme pour le serviteur une volonté. D'accord? Et lorsque tu fais, c'est toi qui fais l'action. Lorsque tu lèves ta main, tu sais que c'est toi qui lèves ta main. Mais tout ce que tu fais, c'est créé par Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et tu l'as fait qu'après qu'Allah Azza wa Jal ne l'ait voulu. Et tu es libre de suivre, yani tu as une volonté qui te permet de suivre le chemin de la droiture. Ou de t'en éloigner. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمُ. Hein? Celui qui parmi vous le veut, yani emprunte la droiture. Mais, وَمَا تَشَاءُنَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Et vous ne pouvez vouloir, si ce n'est qu'après qu'Allah l'ait voulu, Allah le Seigneur des mondes. Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui a tout créé. C'est lui qui nous a donner la volonté, la capacité, la force, taïeb, et tout ce que tu le fais avec ce. On dit donc et on répète qu'Allah est notre créateur et le créateur de nos actions. Mais tu es responsable de tes actions. Et toi, tu as un libre arbitre et une volonté. Tu n'es pas comme une feuille au vent. Tu n'es pas comme une feuille au vent et tu ressens de toi-même. Tu ne peux donc pas utiliser le destin pour te défendre devant les péchés. Hein? Mais tu peux utiliser le destin devant un malheur pour te consoler, pour consoler une personne. Amma la personne qui désobéit Allah Azza wa Jal de jour comme de nuit lorsque tu la conseilles, il te dit qadar Allah. Ça c'est l'excuse qui a été citée dans le Coran, l'excuse des associateurs, des koufars. C'est eux qui ont utilisé le destin devant leur shirk et leur péché. Ils ont dit, si Allah avait voulu, on n'aurait pas fait de shirk. Hein? Si Allah avait voulu, on n'aurait pas fait de shirk. Taïb, ça yakoulu alladhina ashraku law sha Allahumma ashrakna wa la aba'una wa la haramna min shay. Kadhalika kadhaba alladhina min qablihim hatta dhaqu ba'sana. Qul hal min 'ilm, qul hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana. إن تتبعون إلا ظن وإن أنتم إلا تخرصون. Si cela avait été, yani le fait d'utiliser le destin devant tes péchés, ça avait été l'excuse, Allah Azza wa Jalla ne les aurait pas réprimandés et il ne les châtierait pas pour cela. Et lorsque des compagnons ont dit, فبما العمل إذن. Pourquoi est-ce qu'on agit alors? Si Allah Azza wa Jalla a tout su, a tout décrété, les gens qui auront parlé, les gens qui auront l'enfer. Le prophète sallam a dit, i'malu, agissez, faites les causes, et chacun se verra faciliter ce pourquoi il a été créé. Ça y est. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى الآية فكل ميسر لما خلق له. C'est le hadith près de l'imam muslim rahimahullah ta'ala. Aussi, on répond à cette personne, le destin d'Allah, ce qu'Allah a décrété, c'est une chose que personne ne sait, sauf lui subhanahu wa ta'ala. Donc tu ne peux pas utiliser une chose dont tu n'avais pas connaissance. Toi tu sais la chose qu'après qu'elle sera. Donc tu ne peux pas te reposer sur le destin. Tu dois faire les causes pour sauver ta personne du feu de l'enfer. Tu dois agir, obéir à Allah, t'éloigner de sa désobéissance. La foi au destin apporte aux serviteurs de nombreuses bonnes choses. أولاً الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب. Premièrement, le fait de compter que sur Allah. Car tu sais que c'est lui qui décrète tout, qui décide de tout. Et s'il veut une chose, elle se réalise, et s'il ne veut pas, elle ne se réalisera. Donc tu comptes que sur Allah en faisant les causes. Et cela est un point très important du tawakkul. Hein? Tu ne dois pas te reposer sur les causes. Tu fais les causes, mais tu abandonnes ton affaire à Allah. Tu comptes sur Allah, tu espères en Allah Azza wa Jal. Et ton cœur ne se dirige que vers lui. Car tu sais que tout est décrété par Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, point très important, yanfil ujb. Ça, yani la foi au destin empêche le serviteur de s'étonner de soi-même. Pourquoi? Tu sais que tout ce que tu as eu, c'est décrété par Allah Azza wa Jalla. Et c'est Allah qui a voulu ce bien pour toi. Et sans Allah, tu n'aurais pas pu être ce que tu es. Tu n'aurais pas pu avoir ces richesses, cette intelligence, cette science, cette piété et autres. C'est que par la grâce d'Allah Azza wa Jalla que tu as eu tout cela. À quoi bon donc se vanter et s'enorgueillir devant le commun des musulmans, ou montrer du peu de science que tu as devant des ignorants afin d'être élevé, immensifié et montrer aux gens que tu connais qu'ils sont eux ignorants et donc dépendants de toi. Là, tout ce que tu as et tout ce que tu transmets, wallahi, laoula Allah. Lui, c'était Allah, tu n'aurais pas mis un pied dans la mosquée. Tu ne te serais pas prosterné. Tu n'aurais pas donné une aumône. Tu n'aurais rien connu. C'est Allah Azza wa Jal qui a voulu pour toi ce bien. Donc tu n'as pas le droit d'être orgueilleux et vanite. Wallahu musta'an. Donc tu sais que tous tes bienfaits ont été décrétés par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc au lieu de t'étonner de toi-même, cette maladie très grave qu'on appelle l'ujb, tu seras plutôt reconnaissant devant les biens, devant Allah subhanahu wa ta'ala ou envers Allah pour ses biens. Deuxièmement, tasir da'iman mutma'inna. Mutma'inna na'afwa. Tu seras constamment serein, apaisé devant tout ce qui t'arrive. Pourquoi? Tu sais que c'est le destin d'Allah subhanahu. Tu sais que c'est Allah qui a voulu cela. Donc ça t'apaise. Tu sais que celui qui a décrété ça, c'est un Seigneur tout-puissant qui est savant, sage et aussi miséricordieux. Donc, tu es serein dans toutes les situations. Qu'un mal te touche ou qu'un bien ou que tu perdes un bien, dans tout cela, tu sais que ça viendra. Alors, tu es tranquille. Tu as perdu de l'argent? Tu es tombé malade, tu as eu tel malheur, tu n'as pas réussi à avoir tel diplôme, tu n'as pas réussi à épouser telle femme, tu n'as pas réussi à avoir tel un enfant. Tout cela a été décrété par qui? Par Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que tu aurais pu changer ce destin? Non. Alors t'es mutmain. Tu es tranquille. Tu sais que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu acceptes et tu te soumets. Et tu sais même que si tu endures, tu te verras récompensé par Allah tabaraka wa ta'ala. Ma asaba min musibati fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Likay la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah nous dit, il n'y a pas un malheur qui vous touche sur la terre ou en vous-même sans que cela ne fût inscrit dans un livre avant de vous créer, avant de vous avoir créé. Dans ce verset, il y a également deux points du destin. La création et le kitab, les deux premiers. Cela est pour Allah facile. Et regardez la suite, écoutez. Afin que vous ne soyez pas attristés pour ce que vous avez manqué et que vous ne fassiez pas preuve d'orgueil devant ce qu'on vous a attribué. Donc lors d'un malheur, tu ne désespères pas. Et lorsqu'on te donne un bien, tu ne t'enorgueillis pas. Pourquoi ? Tu sais que ce bien vient d'Allah et que ce malheur a été décrété par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith de Suhayb, عند مسلم, عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Comme est étonnante l'affaire du croyant. Tout ce qui le touche est pour lui un bien. Et cela n'est valable que pour lui. Lorsqu'un bien le touche, il se montre reconnaissant. C'est alors un bien pour lui. Et lorsqu'un mal le touche, il est endurant. C'est donc également un bien pour lui. C'est ainsi que doit être le croyant qui croit au destin, qui croit à la prédestination et qui sait que tout a été décrété par Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a deux sectes qui se sont égarées dans ce chapitre. Un groupe qu'on appelle Al-Qadariyya et un autre groupe qu'on appelle Al-Jabriyya. Al-Qadariyya ont renié le destin. Al-Qadariyya, ou avant cela Al-Jabriyya, on dit que nous sommes comme une feuille au vent. Nous n'avons pas de libre arbitre ni de volonté. Cette volonté est que pour Allah. Et nous, nous sommes à l'image d'une feuille au vent. On n'a pas de volonté, on ne peut rien faire. Taïb, nous n'avons pas de capacité. Al-Qadariyya, à l'opposé, on dit que la créature, l'homme, de lui-même fait, indépendamment de la volonté d'Allah. Donc même si Allah aurait voulu le contraire, c'est l'homme qui décide, c'est l'homme qui fait ce qu'il. Et ces deux groupes se sont égarés, et les deux sont des innovateurs, Wallahu musta'an. Donc ils ont rejeté la volonté d'Allah, et ont exagéré sur la volonté de la créature. Walhamdulillah alladhi waffaqana lilwasat. Walhamdulillah alladhi ja'alana min ahli sunnah. Mimman akhadha 'aqidata min al-Qur'an was-sunnah. 'Ala ma fahimahu as-sahaba. Et on remercie Allah Azza wa Jal de nous avoir accordé le juste milieu et la droiture dans la croyance. La croyance qui est prise du Coran et de la Sunna, celle qu'avaient les compagnons. Et nous, les gens de la Sunna, nous sommes dans le juste milieu. On dit qu'Allah Azza wa Jal a une volonté, qu'il sait tout, qu'il a tout décrété, qu'il nous a créé nous nos actions, mais il nous a également donné une volonté. Il nous a montré le bien, il nous a montré le mal. Celui donc qui fait le bien, cela sera grâce à Allah. Et celui qui fait le mal, il l'aura fait avec ses membres, il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même. Comme a dit, comme c'est venu dans le hadith. Et on a déjà cité les textes qui affirment la volonté d'Allah, qui affirme la volonté du serviteur. Il y a donc dans ces textes-là une réfutation pour les deux groupes. On ajoute à cela, قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et dit la vérité vient de ton Seigneur. Celui donc qui le veut parmi vous, qu'il croit. Et celui donc qui le veut parmi vous, mécroit. Ici, Allah Azza wa Jal dit, celui qui le veut, qu'il fasse partie des croyants. Et celui qui le veut, qu'il fasse partie des mécrits. Donc on a affirmé la volonté, le choix, le libre arbitre, pas le choix, hurriyatul adiyan, à la kufr. On parle pas le choix, yani t'as le droit d'être un kafir, t'as le droit d'être un muslim. Là, Allah Azza wa Jal nous a créé, nous a ordonné, التوحيد. Mais ici, c'est les tahdid, c'est une menace. Ici, c'est une menace. Non pas comme les égarés ignorants de la langue arabe ont dit. Là, comme a dit الجهلاء والضلال ومن جهل لطافة لغة العربية. هذا أسلوب عربي قوي ومعروف. طيب هذا للتهديد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، بدليل القرينة المتصلة إنا أعتدنا للظالمين نار. طيب donc ici il y a la citation du libre arbitre du serviteur. C'est lui qui va vers le bien ou c'est lui qui va vers le mal. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. Celui qui fait de bonnes actions, c'est pour lui. Et celui qui fait du mal, alors c'est contre lui. Et ton Seigneur n'opprime aucunement le serviteur. Donc avec cela, il y a une réfutation pour les deux groupes. Particulièrement ce qu'on a cité pour Al-Jabriya, Al-Qadariya. ولو شئنا لأتينا كل نفس هدى ولو شئنا لأتينا كل نفس هدى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Allah nous dit, si nous avons voulu, nous aurions accordé à chacun la guidée. Mais c'est une parole qui a été décidée par ton Seigneur, par moi, donc Allah, je remplirai sans aucun doute l'enfer des djinns et des hommes. Donc comment dire après cela que l'homme fait ce qu'il veut et qu'il a une volonté indépendante d'Allah et qu'Allah n'a pas de volonté? Allah nous montre que c'est lui qui guide. Et s'il avait voulu, tout le monde aurait suivi la droiture. Voyez. Même avec le aql, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Rabbul Alamin. Wa maliku samawat. Wa maliku samawat. As-sayyid al-muta'a. Allah tabaraka wa ta'ala, c'est le seigneur des mondes. C'est le propriétaire des cieux et de la terre. C'est le maître absolu et c'est lui qui décide de tout. Comment le Seigneur Tout-Puissant pourrait, yani comment pourrait se passer dans le royaume d'un Seigneur Tout-Puissant des choses qu'il ne veut pas? Subhanallah. Tayyib, hada batil. Et avec cela, bihamdillahi azza wa jal wa mahdi fadlihi wa ihsanihi alayna, ختمنا شرح أركان الإيمان والحمد لله الذي به تتم الصالحات. قال المؤلف رحمه الله تعالى المرتبة الثالثة الإحسان. L'auteur nous dit le troisième degré, l'excellence. L'excellence, lorsqu'on cite cela, il y a deux sens. Il y a l'excellence entre toi et les serviteurs d'Allah, fait de leur faire du bien, de les rencontrer avec un visage détendu, de donner à chacun ce dont il a besoin. Tu enseignes à l'ignorant, tu aides celui qui est dans le besoin. Wahakaza. Ça, c'est l'ihsan bayna. Et al-ibad, c'est l'excellence, la bien, qu'on traduira par la bienfaisance entre les serviteurs. Ensuite, il y a al-ihsan fima baynaka wa bayna Allah. Entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui est cité ici. An ta'bud Allah kannaka tara. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais. Et si toi tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Qala al-mu'allif rahimahullah تعالى الإحسان ركن واحد وله ركنان. لا ركن واحد وله طيب ici il y a une faute dans le livre. Ala kulli hal al-ihsan wa huwa ruknun wahid. Comme dans le hadith, an ta'bud Allah kannaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Cela comporte, donc cela se compose d'un pilier. Et il y a un degré qui est meilleur que que l'autre. An ta'bud Allah kannaka tarahu. Que tu adores Allah comme si tu le vois. Hadha maqam al-mushahad. Kamal al-hub. Donc, le premier degré, c'est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le vois. Donc ça, c'est le niveau le plus haut de l'amour. Tu agis avec excellence comme si tu voyais Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, ibadatu, talab, wa shawq. C'est toi qui demande, c'est toi qui vas vers Allah tabaraka wa ta'ala volontairement avec amour. Ton plaisir réside dans cette adoration. Tu fais des efforts dans cela et tu es motivé dans cela. Il revient vers Allah Azza wa Jal, se dépêche d'aller vers Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ça c'est l'ihsan. An ta'bud Allah ka'annaka tara. Comme si tu voyais Allah Subhanahu. Si tu n'arrives pas à atteindre ce niveau-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite qu'il y a autre chose. Fa in lam takun tara. فَإِنَّهُ يَرْكُ. Si toi tu ne peux pas le voir, sache que lui te هذا مقام المراقبة. C'est le fait de ressentir qu'Allah te surveille. Tu adores Allah Azza wa Jal avec excellence car tu sais qu'Allah te voit, t'entend, te surveille et qu'il est témoin de tous tes faits et gestes. هذا مقام المراقبة. عِبَادَةُ Al-Khawf. Tu as peur de mal faire alors qu'Allah te surveille et te voit. Alors que la première chose, c'est que tu fais avec excellence. Hein? Volontairement. Parce que tu aimes Allah Azza wa Jal d'un amour complet. Alors que le deuxième niveau, il fait aussi avec excellence. Mais parce qu'il sait qu'il est surveillé. Donc c'est un peu moins bien que le premier niveau. Mais ça entre quand même, tout de même, dans l'excellence. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit « Wa ibadatu rahmani ghayatu hubbihi ma'a dhulli abidihuma ruknani » Ibn Qayyim nous cite que l'adoration, c'est la perfection de l'amour avec la crainte ou la peur complète. Ça c'est le niveau le plus haut, al-ihsan. On a cité que l'islam a trois degrés. Un des degrés se nomme lui aussi al-islam, le deuxième al-iman et le troisième al-ihsan dont nous parlons ici. Puis l'auteur cite les preuves de cela en disant wa qawluhu ta'ala inna Allaha ma'a alladhina ittaqaw wal ladhina hum muhsinun. Certes Allah est avec ceux qui le craignent pieusement, avec ceux qui font le bien. Wa qawluhu ta'ala wa tawakkal 'ala al-'aziz ar-rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi as-sajidin innahu huwa as-sami'ul 'alim. Place ta confiance dans le Tout-Puissant, le miséricordieux, celui qui te voit quand tu te lèves pour prier et voit tes gestes parmi ceux qui se prosternent, c'est lui qui entend tout, l'omniscient. Donc ici, il y a l'ihsan, maqam, al-muraqaba. Le deuxième degré. Wa qawluhu ta'ala wa ma takunu fi sha'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min amal illa kunna 'alaykum shuhudan id tufiduna fihi. Il n'est pas une situation ni un passage du Coran que tu récites. Et aucun acte que vous fassiez sans que nous en soyons témoins au moment même où vous l'accomplissiez. Ça c'est aussi al-ihsan, maqam, al-muraqaba. Donc dans ces trois versets, il y a maza la preuve pour al-ihsan, maza l'excellence. Le premier verset, c'est pour maqam al-mushahada, et la suite pour maqam al-muraqaba. Puis l'auteur a cité Hadith Jibril. On verra, inshallah ta'ala, la semaine prochaine. Ce hadith sera la preuve pour tout ce que nous avons cité. Al-Islam, Al-Iman, Al-Ihsan. Et on expliquera la relation entre ces trois mada, ces trois degrés. Naam. Wa sallillahumma wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله الذي به تتم الصالحات وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.